Un beau matin, comme si de rien n'y était, ben, ses filles apparaissent dans l'embrasure de la porte avec un bouquet de fleurs. Un sourire pas trop vrai, puis le voix mielleuse. « Bonjour, maman. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. On s'ennuie de toi. On vient te voir pour te faire nos excuses. » Dans la salle, il y a une ombre de malhonnêteté qui plane. La mère regarde ses filles avec un beau sourire puis leur dit avec sa voix la plus douce, « Bonjour, mes filles. Je suis tellement contente de vous voir. Si vous saviez comme vous m'avez fait un beau cadeau de m'emmener vivre ici, je n'avais pas raison de refuser. Voulez-vous que je vous fasse faire le tour? » Puis on voit les trois femmes bras dessus, bras dessous, faire une belle visite du manoir. Baba Yaga est gentille, avenante et bavarde. Elle décrit son environnement comme un manoir de rêve, hein, presque comme un hôtel 5 étoiles. Elles prennent ensemble la collation et c'est à ce moment-là que la sorcière en profite pour leur dire qu'elle aurait bien aimé dire au revoir à sa maison avant de partir. Les enfants se sentent un peu coupables de la situation, c'est certain. Elles y sont pas allées avec le dos de la cuillère pour la placer au manoir. Puis, ça va changer quoi? Ils acceptent sa demande. La sorcière est aux anges et sur la route, les filles se mettent à jaser ça à leur mère. « Oh, tu vas voir, on a fait un beau ménage, changé les meubles de place, réaménagé les armoires. » Et comme si c'était pas assez, il y en a une qui dit « Ah, puis oui, ton gros chaudron là, qui sert plus à rien, ben je l'ai donné au voisin puis j'ai jeté tes vieilles potions. » Au fur et à mesure que les filles racontent leur bon coup, Baba Yaga, le cœur serré, inquiète, se demande si elles ont touché à son verri près de la porte. « Attends, c'est mort, faut se barrer un peu plus. » Oh, heureusement, la maison puis le baril sont en vue. Aussitôt arrivées, les filles qui se méfient de rien tout en placotant se dirigent vers la porte de la maison. Sans perdre de temps, la sorcière accélère le pas, saute dans son baril puis récite une formule magique. « Baril magique, baril volant, envole-toi au plus sacrant! Ha ha ha ha ha! » Et elle s'envole en direction de la forêt maudite. Les filles sous le choc regardent leur mère s'éloigner, la bouche entrouverte. La poule a vu la scène de loin. En voyant la sorcière se diriger vers elle avec l'élégance d'un gros bourdon zigzagant, elle a peur puis va se cacher en arrière d'un arbre. Baba Yaga accroche une branche de bouleau et évite de justesse le chêne qui la salue bien bas, tourne à gauche puis à droite puis après le marais encore à gauche. Et c'est là qu'elle retrouve sa cabane. Après avoir caché son baril, elle monte sa galerie et récite une formule magique. « Bord, débord, pire, vire de bord! » Et la porte s'ouvre tranquillement. La sorcière rentre dans la cabane, puis la porte se referme derrière elle, puis le silence.